Fiente, guano, excréments, fluides, urine ou encore sel. Cette semaine dans Podcast Science, en lien avec la réponse au quiz « Boire son urine est bon pour la santé, info ou intox », on va vous parler de ce qu'on excrète partout. Parce qu'après tout, on passe, selon les statistiques, à peu près 3 ans de notre vie à excréter sur le trône. Et si vous surfez sur votre smartphone aux toilettes, ne mentez pas, nous le savons, vous y lisez peut-être des histoires bibliques d'astronomie ou les deux. Pour éclairer cette lanterne, Johan nous parlera d'astronomie biblique comme révolution scientifique permanente. Et finalement, parce que nous ne sommes pas les seuls à aller à la selle, Cléora nous parlera de comment ça se passe chez les oiseaux, car une fois de plus, le monde animal est toujours une source de fascination. Nous sommes le mercredi 14 avril 2021, bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, nous avons une table virtuelle plutôt bien remplie, puisque nous avons Cléora depuis Perduville. Oui, salut à tous. Johan depuis Paris. Salut. Et Léa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Irène depuis la Corse, gros retour. Bonsoir tout le monde. Et moi, Alexa, depuis Los Angeles, à 10 000 km comme d'habitude. Alors, au sommaire de cette émission, on aura d'abord Johan qui nous parlera d'astronomie biblique. Ensuite, nous enchaînerons avec la chronique de Cléora sur les osios et leur fiente, guano, etc. Et finalement, Eléa répondra au quiz. Eh bien, écoute, Johan, je te laisse commencer ta chronique du coup. Super, bah merci beaucoup. Et donc l'idée m'est venue en fait en discutant, ça faisait longtemps que je l'avais vu passer cette astronomie biblique, mais voyant passer qu'il y avait des gens qui en fait développaient des théories scientifiques autour de la Terre plate, quasiment scientifiques. Et du coup ça m'a surpris, je me suis dit mais comment est-ce qu'on arrive à penser dans un monde comme ça? Et donc j'ai été regarder un petit peu qu'est-ce que c'était que le créationnisme en astronomie, car ça existe aussi. Donc n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions si vous décrochez au milieu. Je suis pas sûr à quel point c'est compréhensible. Je parlais de pas mal de sujets en astronomie et de la façon dont les créationnistes le voient. Donc d'abord, définissons un peu le créationnisme. Wikipédia le définit comme « Le créationnisme est la croyance religieuse qu'une création divine est responsable de la vie et de l'univers, contrairement au consensus scientifique qui soutient une origine naturelle au moyen de l'évolution. » Et d'ailleurs, on voit direct que le mot évolution est lâché dès la première phrase, parce que les créationnistes sont principalement opposés à la théorie darwinienne. Et ici, je voudrais plus me concentrer un peu plus sur l'astronomie, sur le côté univers de la première partie de la phrase. Et déjà, remarquons que la définition est sans doute un peu large pour moi. En effet, il est tout à fait possible de considérer une origine divine à la vie et à l'univers, et d'être en accord avec les toutes dernières découvertes du consensus scientifique. Alors, ça demande un petit peu de flexibilité, car la science évolue, parfois rapidement, très rapidement, on va y revenir à la fin de la chronique. Mais donc, pour continuer à croire en une origine divine de l'univers et de la vie, et se tenir à la page des dernières découvertes scientifiques, il faut parfois adapter les mécanismes de sa croyance. Par exemple, un dieu à l'origine du Big Bang et des lois de l'univers, mais qui n'aurait aucune influence sur l'univers depuis, serait finalement assez compatible avec nos connaissances actuelles en astrophysique. Ou alors un dieu à la Spinoza, où Dieu est l'univers lui-même, finalement ça pose pas forcément de problème non plus, la science devenant alors une sorte de méthode pour comprendre Dieu, mais pas forcément de raison. Certains d'entre vous me diront « Ah, c'est impossible, les croyants ne peuvent pas adapter leurs croyances à de nouvelles connaissances ». Mais le fait est que la plupart des plus grands physiciens et biologistes de l'histoire moderne étaient croyants, donc ça veut dire que c'est sans doute possible. On peut citer Einstein, l'inventeur de la relativité, Darwin, l'inventeur de la théorie de l'évolution, et enfin, bien évidemment, le maître, Georges Lemaître, l'inventeur du Big Bang, qui était un prêtre catholique belge. Donc il a passé toute sa vie à développer des scénarios de cosmologie en gardant une foi inébranlable en la création. Et en fait, il a séparé des notions. Dans sa tête, il y avait une séparation entre ce qu'il appelait le commencement, qui était la notion physique, qui a été plus tard appelée Big Bang, et la création, qui serait une sorte de notion métaphysique, un concept philosophique et religieux. Donc je cite le maître qui dit dans une interview « Le problème de la création garderait son sens métaphysique dans le sens de la dépendance de tout être, de nous-mêmes. Toutes choses ont été faites par lui, avec une majuscule, lui étant Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Mais ce problème serait totalement dégagé de la cosmologie, de ce fond étrange de l'espace-temps où s'évanouissent toutes nos notions familières dans l'absolue simplicité. » Donc, au sens de la définition donnée plus tôt, le maître est un créationniste. Il n'en reste pas moins l'un des inventeurs de la cosmologie moderne. Mais là, je voudrais parler spécifiquement du moment où le créationnisme entre frontalement en conflit avec la science. Justement, quand il manque de flexibilité. Quand la Genèse décrite dans la Bible, le Talmud ou le Coran, n'est pas une interprétation symbolique ou philosophique, mais un document scientifique crédible qu'on doit croire au pied de la lettre, apprendre avec la même fiabilité qu'une observation au télescope, ou même encore plus d'ailleurs, comme nous le verrons plus tard. Mais alors, s'il est possible de rejeter le consensus scientifique, comment expliquer toutes les observations bizarres que nous faisons depuis 300 ans, bizarres pour les gens qui croient littéralement à la Bible, qui ont été interprétées par la quasi-totalité des scientifiques comme autant de preuves que l'univers à 13,8 milliards d'années, que les espèces évoluent, que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Donc, une des façons, ça peut être de rejeter tout en bloc, comme une immense théorie du complot, sur 300 ans, avec des centaines de milliers de scientifiques dans le coup, ce qui n'est pas très charitable ni très raisonnable, car il faut bien reconnaître, en allumant son téléphone portable ou en prenant son injection de vaccin, que la science, ça marche plutôt pas mal. Mais il existe une autre voie, c'est de se battre contre le consensus scientifique avec ses propres armes. Utiliser la méthode scientifique pour expliquer l'accord des observations avec les textes de la Genèse. Du coup, les scientifiques qui sont dans le consensus ne sont pas une sorte de théorie du complot, c'est juste que les scientifiques qui sont dans le consensus se trompent. Et l'astronome biblique est un autre Galilée qui se bat pour changer la vérité scientifique, qui se trouve collée parfaitement avec la Genèse. C'est de cette voie spécifique dont je voudrais vous parler, de ce qu'on pourrait appeler l'astronomie créationniste, une discipline qui tente de mettre en accord les observations de l'univers avec ce qui est écrit dans la Bible, avec plus ou moins de succès. Ces astronomes créationnistes ont leur revue, qui est appelée « The Biblical Astronomer ». C'est une revue qui est annoncée comme un trimestriel, et dont le credo, recopié à la fin de chaque numéro, est le suivant. The Biblical Astronomer est fondé sur le prémisse que la seule information absolument fiable sur l'origine et le but de tout ce qui existe et se produit est donnée par Dieu, notre Créateur et Rédempteur, dans la Sainte Bible. Toute entreprise scientifique qui n'accepte pas cette révélation d'en haut sans réserve, nous la rejetons et la considérons comme condamnée d'avance en raison de ses prémisses infondées. Nous croyons que la création s'est déroulée en 6 jours, de 24 heures, et que le monde ne date pas de plus de 6000 ans environ. La Bible nous apprend que la Terre ni ne tourne quotidiennement autour d'elle-même, ni n'effectue une révolution annuelle autour du Soleil, elle est absolument immobile dans l'univers. Et je vous promets que c'est une revue qui se veut scientifique, il y a des vrais articles scientifiques publiés dedans, mais effectivement, ils ont un credo qui est ce que je viens de vous lire. Donc comment est-ce qu'on peut faire de la science sur ça ? Donc on a des astronomes qui ont l'air un peu croisés vers le 15e siècle environ, peut-être même encore un peu avant. Avant de les traiter de teubés, regardons certains de leurs papiers en détail. En particulier celui sur l'expérience de Michelson-Morley. Et c'est une expérience qui est intéressante parce que c'est une expérience qui est fondamentale pour eux et c'est aussi une expérience qui est fondamentale pour la physique. C'est une expérience qui est absolument fondatrice de la physique moderne, qui a été réalisée à la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Il s'agissait de mesurer des propriétés sur le milieu dans lequel se baladent les ondes électromagnétiques, dont la lumière et d'autres ondes gravimétriques, qu'on appelait à l'époque l'éther. Donc Michelson et Morley, qui sont des instrumentalistes de génie, veulent mesurer la vitesse de la lumière dans l'éther avec une très grande précision. Donc le dispositif technique est un peu technique, est un peu compliqué avec ça utilise des ondes optiques. Je serais ravi de vous en parler, mais c'est un peu compliqué ce soir. Mais en gros, le principe est d'utiliser la Terre comme un laboratoire. L'idée, c'est de comprendre à quelle vitesse la lumière se balade dans ce milieu de l'éther. Et on sait que la Terre, puisqu'elle tourne autour du Soleil, se déplace à 30 km par seconde dans l'univers, parce qu'elle tourne autour du Soleil, et ça, on peut le calculer grâce aux lois de Newton. On connaît à peu près la vitesse de la lumière, on sait que c'est à peu près 300 000 km seconde. Et du coup, si on arrive à mesurer la vitesse de la lumière dans le sens de la marche de la Terre, ou perpendiculairement au sens de la marche de la Terre, et qu'on arrive à le faire à une précision qui est meilleure que 30 km seconde, eh ben, on arrivera à mesurer la vitesse de la lumière, une différence de la vitesse de la lumière en fonction de si elle va dans la même direction que la Terre ou si elle va perpendiculairement. Est-ce que c'est clair cette partie-là? Conceptuellement, ça va. Ok. Oui. Parfait. Et donc, Michelson construit sa machine optique très ingénieuse, qu'on appelle un interféromètre de Michelson, pour mesurer cet effet, et il ne trouve rien. Ah, zut, manque de précision, se dit-il. L'expérience est refaite, à chaque fois qu'un progrès technique permet de gagner en précision, toujours le même résultat. À la fin, l'instrument a une précision supérieure de 4 fois à l'effet attendu, donc les 30 km par seconde qu'on s'attend à trouver, et toujours rien. Bon, Michelson en déduit, je cite, « S'il y a un mouvement relatif entre la Terre et l'éther luminifère, il doit être petit. » L'éther luminifère, c'est l'éther dans lequel se balade la lumière. C'est ce milieu dans lequel se balade la lumière. Voilà. Donc, il y a un truc qui comprend pas. C'est comme si l'éther, je sais pas, il se baladait en même temps que la Terre, il bougeait en même temps, mais bon, bah, bref, pas très clair, mais ça marche pas. Et en fait, bah, pour tout physicien, en fait, l'histoire s'arrête pas là. 20 ans plus tard, en fait, Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte. Et à la base de la théorie, en fait, il y a le principe fondateur de la relativité. En fait, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante. Et ça varie pas, en fait. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à le trouver. Donc, pour bien comprendre ce que ça veut dire, je vais expliquer un petit peu. Imaginons que vous êtes dans une voiture et vous lancez une balle de tennis dans le sens de la marche. La vitesse de la balle sera la vitesse que vous donnez à la balle plus la vitesse de la voiture. Donc, si vous lancez la balle alors que la voiture est à l'arrêt ou si vous lancez la balle alors que la voiture est en train de rouler, la balle va pas aller à la même vitesse. Les vitesses s'additionnent, en gros. Et ben ça, en fait, c'est pas vrai pour la lumière. Si vous regardez la vitesse de la lumière des phares de la voiture, que la voiture soit à l'arrêt ou que la voiture soit à 100 km/h, la lumière va aller exactement à la même vitesse. Donc là, il y a un truc fondamentalement différent. Pour la lumière est pas comme les autres objets, et pas comme une balle de tennis. C'est fondamentalement différent. Et en fait, c'est ça que voit l'expérience de Michelson-Morley. C'est en fait ce qu'il pense être un manque de précision ou juste un truc un peu bizarre. En fait, c'est un trou fondamental. C'est une catastrophe de la physique. C'est qu'en fait, il faut changer toute la théorie. Il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait de l'expérience de Michelson-Morley une des expériences négatives les plus importantes de l'histoire, ce qu'il n'a pas trouvé lui a permis a permis à Einstein de découvrir la relativité. Et donc, Michelson a reçu un prix Nobel en 1907 pour l'invention de ces instruments d'optique qui ont mené à sa non-découverte de l'éther. Mais revenons à nos astronomes bibliques. Parce que eux, l'expérience de Michelson-Morley, elle est aussi fondatrice, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne voit pas de différence de la vitesse de la lumière dans le sens de la direction de la Terre ou perpendiculairement. Et du coup, ils en déduisent, s'il n'y a pas de différence, c'est que la Terre ne bouge pas. La Terre est immobile. Et du coup, là, c'est absolument fondateur pour eux. Donc, dans le Biblical Astronomer de 1999, donc de l'automne 1999, on peut lire la citation suivante, où les... Donc, je décrypte un petit peu, parce qu'ils ont un vocabulaire assez spécifique, quand même. Les partisans de la Terre au centre de l'univers sont appelés les géocentristes, et les autres sont appelés les acentristes. Donc, les autres, c'est tous les... Enfin, c'est les autres, quoi. C'est ceux qui pensent que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Donc, c'est des acentristes parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de centre. Voilà. Donc, je cite. Notons que les géocentristes ont depuis longtemps proposé, au moins depuis 1981, que l'expérience de Michelson-Morley devrait être amenée à bord de la navette spatiale pour réaliser des mesures non terrestres, qui pourraient être refutées la thèse géocentriste. En fait, ce sont les acentristes qui n'ont pas de données pour prouver leur théorie sur l'éther, sur un autre corps que la Terre. Et là, du coup, c'est quand même vachement intéressant parce qu'ils utilisent le concept de réfutabilité. C'est-à-dire que ils disent pas juste « on a raison », ils disent… Donc, la réfutabilité, je rappelle, c'est une notion introduite par Karl Popper, qui est considérée comme un concept important de l'épistémologie, permutant, en fait, selon Popper, d'établir une démarcation claire entre une théorie scientifique et ce qui n'en est pas. Une hypothèse scientifique est censée être réfutable. On peut trouver une expérience pour prouver qu'elle est fausse. Et en fait, c'est exactement ce que font les géocentristes dans ce cas-là. Ils proposent une expérience, ils disent, eh ben, par exemple, une façon de prouver que nous avons tort, ça serait d'envoyer une expérience de Michelson-Morley sur la navette spatiale ou sur la Lune. Et ben, dans ce cas-là, si on trouvait les mêmes résultats sur Terre, ben, ça voudrait dire qu'Einstein a raison. Si on trouvait un résultat différent sur Terre, ça voudrait dire qu'on a raison et que la lumière peut varier. La seule raison pour laquelle elle ne varie pas, c'est parce que la Terre est immobile. Et donc, c'est super intéressant, en fait, parce qu'en fait, bah, les astronomes bibliques se placent donc totalement sur le terrain de la science en encourageant, j'irais même dire en tentant les autres astronomes de réaliser l'expérience qui pourrait les convaincre qu'ils ont tort. Un peu à dire, voyez, on propose nous-mêmes notre expérience de réfutabilité, il suffit de la réaliser, nous admettrons immédiatement que nous avons tort. Bon, bien sûr, cette utilisation du vocabulaire scientifique est illusoire, parce que, en fait, si on faisait cette expérience, puisqu'on a lu leur credo au-dessus, ça serait absolument inconcevable pour eux, ils l'admettent eux-mêmes, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, du coup, ils trouveraient immédiatement une autre explication ad hoc. Donc, par exemple, un autre problème qui arrive très vite avec la vitesse de la lumière est que si on a un monde de 6000 ans. Or, on sait qu'il y a des choses qui sont placées à plus de 6000 années-lumière. Si vous avez une galaxie qui est située à 1 milliard d'années-lumière, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir de la lumière qui en parvient à une certaine vitesse? Du coup, en 6000 ans, on ne les verrait pas, elles ne pourraient pas être là. Et du coup, là, c'est là où ils sortent une de leurs armes favorites, qui est complètement ad hoc, qui dit, en fait, l'univers entier a été créé avec la lumière qui était déjà en mouvement. En fait, elle était au moment où ça a été créé, paf, c'était déjà créé. Donc, prenons un exemple avec une galaxie qui se situe à 1 milliard d'années-lumière. Au moment de la création, il y a 6000 ans, les rayons de la lumière étaient exactement à la position comme s'ils avaient été émis il y a 1 milliard moins 6000 ans. Mais du coup, l'univers n'a pas été créé il y a 6000 ans. Du coup, il y a des trucs qui existaient là avant. Mais si tu crées tout comme si c'était comme ça, effectivement, c'est possible. Mais là, c'est le comble du ad hoc. C'est absolument irréfutable. Tu le crées le jour même, mais par contre, tu fais semblant que les trucs ont été créés Ok. Exactement. Ouais. Je vais donner d'autres exemples. On fait pas plus ad hoc. En fait, ça veut dire que à ce niveau-là, c'est plus de la science. Ça veut dire le monde est comme ça parce que Dieu était décidé qu'il était comme ça, même si ça a l'air d'être différent. Les créationnistes sur l'ADN font la même chose. Ils t'expliquent que les mutations nous font croire que le génome a évolué pour qu'on croie que le génome a évolué, mais qu'en fait, c'est juste pour nous faire croire que. Et c'est dur d'arriver à... J'ai déjà eu des discussions comme ça avec des gens, des vrais gens qui existent de visu, hein, et c'est pareil, c'est impossible de réfuter ça parce que, en fait... C'est impossible. Du coup, je vais y venir effectivement. Donc, l'argument est parfois utilisé, c'est l'argument de l'apparence de vieillesse qui est utilisé par des créationnistes pour les géophysiciens. La Terre a l'air vieille parce qu'elle a été créée il y a 6000 ans en ayant déjà l'air vieille. C'est la même façon que Adam a été créé comme s'il était déjà adulte. Voilà, il n'est pas été créé comme un voilà. Dans le même genre, certains créationnistes en biologie pensent que les os de dinosaures ont été placés par Dieu avec exactement ce qu'il faut de carbone 14 pour faire croire qu'ils ont plusieurs millions d'années juste pour tromper les humains. Et là où ça devient rigolo, c'est que certains anti-créationnistes américains ont fondé l'église du jeudi dernier pour se moquer de ce genre d'argument. Donc, selon cette église parodique, le monde a été créé jeudi dernier avec exactement les propriétés qu'il faut pour qu'il apparaisse ainsi jusque dans nos propres souvenirs. Bien sûr, c'est totalement irréfutable. ça s'oppose à toute démarche scientifique. On ne peut pas prouver que le monde n'a pas été créé la semaine dernière. C'est pas possible. J'aime bien ce culte. T'as un site internet, on peut s'inscrire? On peut s'inscrire, oui. Alors, il y a tout un credo. Le monde a été créé jeudi dernier et disparaîtra jeudi. Vous êtes la seule personne à exister et tous les autres gens font partie de l'expérience pour vous tromper. Merde, c'est un peu... C'est un culte assez parano. Hein. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, il n'y a aucune façon de prouver que le monde a pas 6 ans. Parce que notre épisode s'est enregistré le mercredi. La veille de la fin du monde. Donc là, c'est un peu le pire du créationnisme. C'est extrêmement ad hoc. Et souvent, ils sont pas comme ça, quand même. Ils essayent, quand même, parfois, d'utiliser un peu, comme je vous l'ai montré, une illusion de science. Et moi, je veux croire qu'ils sont... Enfin, je suis même persuadé, en fait, qu'ils sont de bonne foi. Je pense pas que ce soit des gens qui essayent de tromper les autres. Je pense qu'ils sont vraiment convaincus de leur croyance. Je vais y venir, d'ailleurs, parce que je pense que ça serait nettement plus simple, en fait, d'arrêter de croire ça pour eux. Et donc, voilà. Donc, en fait, les articles qu'on lit, en fait, c'est pas souvent des explications ad hoc. C'est plutôt, ils essaient de donner une vraie impression de science, tantôt exploitant chaque inconnu de l'astrophysique. Donc, en disant, ah, vous voyez ce petit truc un peu bizarre? Eh ben, en fait, ça veut dire que toute la théorie ne vaut rien. Une petite incompréhension, ça voudrait dire que, tout le modèle de l'astrophysique moderne ne veut rien dire. Et puis, des fois, ils réinterprètent certains faits comme allant dans leur sens, comme l'expérience de Michelson-Morley. Et donc, on trouve ainsi pêle-mêle des analyses sur les dernières mesures du satellite Planck, sur le fond diffus cosmologique, les dernières mesures de la rotation de Jupiter avec Hubble. Et c'est assez particulier comme lecture. On a l'impression de tomber dans un monde parallèle avec une science qui utilise apparemment les dernières méthodes, mais toutes les lois sont différentes. Et bien sûr, en fait, rien ne fait consensus dans leur univers. Certains admettent la relativité, d'autres non. Certains utilisent l'hypothèse de la lumière déjà en transit. D'autres pensent que la lumière allait plus vite avant, et c'est pour ça qu'on a l'impression que les astres sont plus loin qu'ils ne sont. D'autres n'ont quasiment rien admis depuis 300 ans. D'autres choisissent leur théorie, montrant que certaines inconsistantes entre les observations récentes et certaines de ces théories. Donc, je vous mets un lien. Il y a Alexandre Moati, qui a fait un article sur ça et qui a fait une conférence à l'IAP qui s'appelle Créationnisme en astronomie et cosmologie catastrophiste. Moati a beaucoup travaillé sur ces sciences un peu étranges qui sont pas des pseudo-sciences. C'est pas, comme il le dit, donc il nous a fait un épisode, l'épisode 146 sur Podcast Science, et j'ai été relire un petit peu ce qu'il nous avait dit à l'époque. Il nous dit, en fait, c'est pas des gens qui pensent que Par exemple, les astrologues ne se considèrent pas comme des scientifiques. Donc lui, vraiment, ce qui l'intéresse, Moati, dans son livre qui s'appelle Alter Science, c'est ces gens qui se considèrent vraiment comme des scientifiques, c'est juste qu'ont des croyances bizarres. Des gens qui pensent qu'Einstein s'est trompé. Donc ça fait 100 ans qu'ils développent une astrophysique sans relativité. Et là, ça, du coup, ça en fait pas mal partie aussi, ce créationnisme en astronomie, avec des gens qui... Ils se pensent vraiment scientifiques. C'est un peu étrange. Donc, c'est pas vraiment de la pseudo-science, c'est vraiment de l'alter-science. Et donc, je vous encourage à aller réécouter cet épisode. C'était très intéressant. Ouais, c'est de la science super biaisée quand même, parce que tu pars d'un postulat de départ et t'essayes à tout prix d'arriver à la conclusion que c'est vrai ce que tu penses, en fait. Eh ben, je veux exactement y arriver là. C'est que je pense qu'en fait, c'est très intéressant de regarder ça, parce que je pense pas que ce soit particulièrement plus biaisé que le reste des scientifiques, c'est juste que c'est plutôt agréable de le voir de l'extérieur. Les autres scientifiques ne se voient pas eux-mêmes de l'extérieur. Et tu pars de postulats différents, en fait. Finalement, pour bâtir tes hypothèses, tu pars de choses fausses. Mais, comme tu dis, en science, on part de choses. On part de choses fausses aussi. Voilà, c'est juste que les observations sont pas les mêmes. Non, ils ont les mêmes observations. Ils partent de théories différentes. Ils partent de conceptions du monde différentes. Et donc voilà, c'est ça que je voudrais parler dans la dernière partie, que je trouve le plus intéressant, en fait. Parce que, encore une fois, je suis convaincu que ces gens-là sont pas des escrocs. Je suis convaincu qu'ils sont de bonne foi. Je suis convaincu qu'ils pensent sérieusement ce qu'ils disent. Et je suis convaincu qu'ils se considèrent comme scientifiques et qu'une certaine manière, ils le sont autant que nous. Ce que je trouve fascinant sur ces astronomes créationnistes, justement, c'est ce qu'ils nous apprennent sur le fonctionnement de la science sur les autres. Donc Thomas Kuhn, donc qui est un philosophe des sciences, qui a écrit un livre qui s'appelle Structure des révolutions scientifiques. Et donc qui nous présente une théorie de l'évolution des connaissances comme une succession de crises majeures qu'il appelle des révolutions scientifiques. Entre ces crises, il y a de longues périodes de sciences dites de sciences normales. Donc actuellement, dans beaucoup de domaines, nous sommes dans une science normale. Voilà. Durant les moments de science normale, les scientifiques sont dans une science avec des modèles solides. Ils sont sûrs de là où ils sont. Ils sont sûrs de ce qu'ils peuvent obtenir. Ils appliquent les prédictions de ce modèle pour créer de nouvelles expériences. Ils interprètent les résultats de ces expériences à l'aune de ces théories. Donc on pense souvent que le scientifique, lorsqu'il arrive à une contradiction sur un modèle, remet en question tout, balance tout par la fenêtre. Ainsi, quand les physiciens du CERN ont mesuré des neutrinos plus rapides que la lumière, bah en fait c'est pas vraiment vrai. Ils ont pas immédiatement été gueulés dans la rue « Dans ta gueule, Einstein !» Non, la première réaction quand vous trouvez un résultat qui correspond pas à la théorie dominante, c'est « je me suis trompé ». Je peux citer donc Chalmers, qui a écrit un livre de vulgarisation de la théorie des sciences qui s'appelle « Qu'est-ce que la science ?» et qui décrit un petit peu ce moment de science normale. Donc un homme de science, donc là je cite, « un homme de science normale ne doit pas avoir une attitude critique vis-à-vis du paradigme dans lequel il travaille. C'est seulement en procédant de la sorte qu'il sera capable de se concentrer ses efforts sur la formulation de détails du paradigme et d'effectuer le travail hautement spécialisé nécessaire pour mettre la nature à l'épreuve en profondeur. C'est l'absence de désaccord sur les fondements qui distingue la science normale, mûre, de l'activité relativement désordonnée qui est celle de la préscience immature. Selon Kuhn, cette dernière se caractérise par un état de désaccord total et l'existence d'un débat permanent sur ses fondements au point qu'il est impossible de descendre jusqu'aux détails de spécialisation et de détails. Il y a pratiquement autant de théories qu'il y a de scientifiques travaillant dans le domaine, et chaque théoricien est obligé de repartir à zéro et de justifier sa propre approche. Et d'ailleurs, si vous y repensez, en fait, cet état de science normale, c'est exactement ce que fait Michelson, dont je parlais au début de ma chronique. Donc, c'est rigolo parce qu'a posteriori, Michelson, on interprète en fait sa découverte comme le coup de couteau le plus critique à la théorie de l'éther. Le truc qui vraiment on a dit, ça y est, c'est la fin de cette théorie. Mais lui, en fait, au moment où il fait son expérience, bah, il dit d'abord, je suis pas assez précis, c'est pour ça, donc il faut que j'améliore la précision de mon instrument. Et deuxièmement, il dit, bah, la citation que je vous ai lue tout à l'heure, voilà, pour une raison inconnue, le mouvement de l'éther par rapport à la Terre est un peu plus faible que prévu. Alors que rétrospectivement, bah en fait, il venait de découvrir que l'éther n'existait pas, que tout se pétait la gueule, qu'il fallait tout réinventer. Mais par définition, il est impossible pour lui de se rendre compte des limites de son propre paradigme. Donc, dans son paradigme, bah, effectivement, c'était ce qui faisait le plus de sens. C'est « je me suis trompé, je suis pas assez prévu et il y a quelque chose que je comprends pas, mais je reste quand même dans ma théorie. J'ai pas tout cassé, quoi. » Et il faut attendre 1905 et Einstein pour arriver au changement de paradigme qui signe la fin de l'éther. Et là, c'est la crise, la révolution scientifique. Mais la crise n'apparaît que si beaucoup de preuves s'accumulent contre les fondements particulièrement importants de la théorie. Il faut qu'il y ait vraiment des trucs majeurs, vraiment très, très désagréables, des coups violents et répétés portés à la base de la théorie qui finissent par ébranler la confiance des scientifiques. Et il faut bien d'ailleurs comprendre que c'est pas une période facile du tout. Donc je recite encore Chalmers, « Quand les anomalies en arrivent à poser de sérieux problèmes à un paradigme, c'est une période de grande insécurité pour les scientifiques qui souffrent. Les tentatives pour résoudre le problème se font de plus en plus radicales. Les règles édictées par le paradigme se relâchent progressivement. Les hommes de science normales entrent dans débats philosophiques et métaphysiques et essaient de défendre leurs innovations. D'un statut douteux du point de vue du paradigme par des arguments philosophiques. Les scientifiques vont jusqu'à exprimer ouvertement leur désaccord avec le paradigme et le malaise qu'ils ressentent. » Kuhn cite la réponse de Wolfgang Pauli à ce qu'il voyait comme une crise de plus en plus grave de la physique autour de 1924. Donc Pauli, c'est un des inventeurs de la mécanique quantique, il a eu un prix Nobel, c'est absolument un génie. Mais donc au moment de cette arrivée, alors qu'il a fait partie de cette révolution scientifique, au moment où il arrive, il confie ainsi à un ami « En ce moment, la physique est de nouveau terriblement confuse. » En tout cas, c'est trop difficile pour moi et je voudrais être acteur de cinéma ou quelque chose du même genre et n'avoir jamais entendu parler de physique. Donc on voit quand même que c'est un dessin, il a eu un prix Nobel pour la révolution qu'il a amenée. Hein, mais il faut dire à quel point c'est compliqué à ce moment-là. En temps de crise, le sol sur lequel des générations de scientifiques ont élaboré des théories cède d'un coup. La science perd alors tout caractère prédictif pour un moment, parce que ce qui fait la prédictivité d'une science, c'est la théorie. C'est que au sein de cette théorie, vous pouvez dire la théorie prédit que. Du coup, on va l'observer par une expérience. Si il y a plus de théorie ou il y en a plein de différentes, il n'y a plus de prédiction. Tous vos repères s'écroulent. C'est comme si vous étiez en train d'explorer une pièce dans le noir avec une lampe de poche et vous êtes en train de vous émerveiller de ce que vous voyez au plafond et de tout d'un coup, vous vous apercevez que ce que vous croyez être le plancher en dessous de vous, en fait, c'est une simple poutre au-dessus du vide. Heureusement, assez rapidement, un autre paradigme arrive qui permet de remplacer le précédent. Paoli a ainsi participé à l'invention de la mécanique quantique et une fois ces principes bien solidifiés, ils permettent à nouveau de faire des prédictions absolument fantastiques, permettant alors à des générations de chercheurs de faire de la science dite normale, bien plus productive et bien plus fructueuse. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que l'astronome biblique, c'est une opportunité incroyable d'observer un paradigme en crise depuis l'extérieur. C'est une discipline somme toute relativement proche d'une discipline scientifique, en tout cas dans ses ambitions, à ceci près qu'elle est incapable de se remettre en cause, comme d'ailleurs le dit credo de la revue que je vous ai lu tout à l'heure. Comme je vous recite le credo de la revue, « Toute entreprise scientifique qui n'accepte pas cette révélation d'en haut, sans réserve, nous la rejetons et la considérons comme condamnée d'avance en raison de ses prémices infondées. » Et donc, c'est assez incroyable en fait, c'est qu'on le voit de l'extérieur, et c'est la seule fois où on peut le voir de l'extérieur, c'est une discipline qui est coincée dans un paradigme en crise depuis 300 ans. Littéralement, des centaines de papiers par semaine sortent qui remettent en cause des pans entiers du paradigme géocentriste et créationniste d'une Terre de 6000 ans. Mais les gens de cette discipline, par leur formation, par leur éducation et par leurs croyances, sont absolument incapables de renverser leur vision du monde. Et l'astronome biblique est au milieu d'un radeau, au milieu de l'océan, en train d'essayer d'écoper et de mettre des rustines sur un truc qui est plus sauvable depuis longtemps, tantôt en donnant une explication bancale d'un phénomène surprenant, tantôt en pointant une incongruité dans la science acceptée et l'exhibant comme une preuve irréfutable que l'héliocentrisme est en bout de course. L'astronomie biblique est en pleine révolution scientifique, mais on sent que c'est de plus en plus difficile à tenir. Le dernier numéro de The Biblical Astronomer est paru à l'automne 2014 et il semble que la revue ait définitivement cessé de paraître. J'ai quand même une question, moi, sur ces gens. Genre, qui sont ces gens? Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il y avait 4 revues par an pendant 20 ans. Il y a eu 4 revues par an. Plus que ça, 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est... Non, il y a vraiment des gens qui pensaient ça, oui. Et... Donc oui, il y a le lien en bas, là. J'hésite un peu à le partager. Mais... On parle au passé, mais ça, on peut parler au présent aussi, hein. Alors moi j'avais un truc Johan qui faisait enfin ta chronique elle m'a fait penser à justement la façon dont la science t'as l'impression que c'est assez proche de la façon dont des gens faisaient de la science donc au fin 19e début 20e parce que j'ai un livre qui date de 1891 qui s'appelle Les astres qui est un livre qu'une de mes arrière-grand-mères a eu comme prix à l'école enfin quand il y avait des prix et de remise des prix. Alors, j'ai des pages devant moi, là, je vais vous lire un petit extrait parce que je trouve que ça fait pas mal écho à certains trucs que t'as dit, même si du coup, c'est dans le contexte de l'époque et pas actuel. Donc, d'abord, il parle de l'astronomie et l'esprit religieux dans l'Antiquité. C'est le chapitre. Il est évident pour tous ceux qui étudient la question que les grandes vérités sur lesquelles reposent les premiers principes de la morale sont du domaine du bon sens et non celui de la science proprement dite, laquelle ne peut rien ajouter à leur évidence, mais qui peuvent souvent l'obscurcir. Après, il y a tout un passage que je vous lis pas sur le fait que l'intelligence seule n'est rien et que l'intelligence doit avoir le sentiment. On doit finalement être émerveillé par les splendeurs de l'univers pour être capable de les étudier scientifiquement. Et à la fin, il y a un truc qui est un paragraphe qui réunit un peu tout ça, qui dit « Il nous semble donc que toutes les considérations qui précèdent tendent à démontrer que le lien qui unissait la science astronomique à la religion dans l'Antiquité a son origine dans la nature même de l'homme et dans ses rapports nécessaires avec l'univers, que l'idée de cause conduit à l'affirmation de l'être suprême d'une manière rigoureuse comme conséquence des lois de l'âme et que l'univers étant son expression naturelle le rend présent à notre sentiment. » Mais ça, je pense que c'est pas extrêmement loin de ce que pense le maître, en fait. Ouais. Et c'est pas forcément... Enfin, c'est, je pense qu'il faut... Je trouvais l'article de Wikipédia, moi, un peu violent à dire... parce que tu peux tomber dans l'extrême extrême en prouvant que la science prouve que Dieu n'existe pas. Et je pense que ça, c'est une énorme connerie aussi. Enfin, il y a pas... Enfin, ça, c'est vraiment pousser la science dans des trucs qu'elle ne dit pas. Et donc, quand il dit que... Finalement, le Dieu comme cause première, ce qui est un peu ce que je pense le maître pensait, et en séparant vraiment son travail scientifique de son travail, de ses croyances bibliques. D'ailleurs, il a fini, ouais, le maître, après, il a été nommé, je crois, directeur de l'Observatoire du Vatican, en fait. Il a pas mal parlé avec le pape, il a influencé les conceptions cosmogoniques du pape, enfin, voilà, sur ces choses-là. Donc, mais je pense tout à fait qu'il est possible de le faire. Mais il faut être prêt à considérer que la Bible est pas... C'est ça le problème, en fait, c'est considérer la Bible comme un document scientifique, en fait. Exactement, ouais. Enfin, c'est... Ouais, ouais. À partir du moment où tu considères un truc comme un truc indépassable, bah, là, tu c'est cassé, quoi. Tu n'y arrives plus. Franchement, elle était étoffée, cette thèse, quand même, je trouvais. Hein. Comment dire, c'est un pavé, hein. C'est une bonne thèse. voilà, du coup, je vous donne des notes. Je vous encourage à aller voir le travail d'Alexandre Moretti, donc son livre Alter Science. Il a fait aussi une chronique à l'IAP que vous pouvez trouver sur canalu.tv. Un article dans Pour la Science qui s'appelle, pareil aussi, Le créationnisme en astronomie. Je vous mettrai aussi les liens vers un article assez intéressant sur les liens entre Georges Lemaître et le débat entre cosmologie et foi. Parce qu'on a souvent dit qu'il avait été convaincre le pape de choses, de ne pas parler du Big Bang, etc. Et en fait, c'est plus complexe que ça, c'est un peu plus fin. Et puis enfin, bah, du coup, la revue The Biblical Astronomers, qui est vraiment un endroit rigolo où aller se perdre si vous avez envie d'y aller. Mais ça me fait penser, souvent, les gens qui ont des arguments qui sont pas forcément très rationnels, voire pas scientifiques, emploient souvent la science, en fait. C'est une démarche qu'on retrouve souvent dans la vie quotidienne. Les gens qui vont utiliser des arguments scientifiques pour justifier des croyances, en fait. Ouais, mais en fait, moi, j'irais même plus loin, en fait, de me dire que je pense que nous, on est comme ça, en fait. C'est-à-dire que l'astrophysique qu'on fait en ce moment, si demain, je marchais sur un truc absolument critique sur l'astrophysique, je suis sûr que je ne le verrais pas. Je me dirais que je me suis trompé. Je me dirais que c'est mes mesures qui sont fausses et je pense qu'il y a un vrai truc à apprendre aussi sur la façon dont on... Personne n'est Einstein, en fait, et personne n'est Pauli, enfin, vraiment pas grand monde, quoi. Et du coup, quand tu vois un trou dans la science devant toi, eh ben, tu préfères remettre en cause tes mesures ou adapter tes mesures plutôt que de voir, bah, Darwin a tort ou Einstein a tort. C'est trop gros, finalement, pour alors, les dire. Alors, enfin, c'est marrant. Je pense pas moins aux États-Unis, beaucoup moins aux États-Unis, et surtout, les journaux comme Nature et Science surfent énormément là-dessus. Pour des trucs, enfin, en tout cas, nous, en biologie, t'as des fois des trucs où, bon, bah, hein, t'as des choses qui sortent, et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément vrai. Même l'histoire de la phosphine sur Vénus, tu vois. Bon, c'est quand même basé sur... Je suis pas sûr qu'on parle de changement de paradigme là. Ouais. C'est pas la mécanique quantique, c'est pas Darwin quoi. C'est pas un truc qui remplace Darwin non plus quoi. C'est. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi un effet de groupe qui doit vachement jouer. C'est-à-dire que si toi, tout d'un coup, tu te mets à douter tout seul, effectivement, tu vas peut-être te remettre en question et te dire non, c'est pas possible. Mais si autour de toi il y a plein de gens qui pensent comme toi, ouais. Je pense que tu vas être beaucoup plus enclin. À remettre en question ce qui nous paraît absolument évident. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'Einstein le trouve, c'est qu'il arrive au bon moment, en fait. C'est qu'il y a Michelson-Morley qui est juste avant, il y a l'avance du périhélie de Mercure, il y a 4-5 observations, en fait, qui font pas de sens et qui sont vraiment violentes, en fait, qui sont un peu genre, mais là, il y a vraiment un problème. Et là, voilà, l'astrophysique est mûre à ce moment-là pour tomber, quoi. Mais c'est rare et c'est assez particulier. Moi, j'adore cette discussion quasi métaphysique. J'ai hâte de savoir comment tu vas faire, Alexa, pour faire la transition avec la suite. Eh ben, écoute, je vous laisse. Faut que j'aille aux toilettes. Ah, voilà. Eh ben, la question qu'on peut se poser, je trouve, c'est est-ce que les oiseaux finalement ont ce genre de questionnement? On parle souvent d'intelligence animale, on connaît pas tant de choses que ça. Est-ce que les oiseaux se demandent finalement, se posent ces questions, pensent à la relativité, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les oiseaux, s'ils ne pensent pas à la relativité ou pas, ils font leurs besoins comme nous. Donc Cléora va donc nous parler de tout ça, de cloaques, de fientes, de sel. Retour à des choses finalement assez terre-à-terre, même si les oiseaux volent. Et donc, nous allons enchaîner avec la chronique de Cléora sur ce sujet. Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle petite chronique des zoosios. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une petite anecdote personnelle pour une fois, où j'avais environ 7-8 ans. Donc, imaginez-vous, petit enfant, à vous balader dans la rue. J'allais à pied à mon école primaire et, à une rue d'y arriver, voilà-t-il pas qu'un satané piaf se lâche sur moi. Sur mon épaule gauche, un gros caca d'oiseau dégouline encore, tellement qu'il y en avait. Oh bordel, la taille du truc, ça pouvait être qu'un gros pigeon. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler guano et fiente d'oiseau, qui fera peut-être écho à la réponse au quiz du moment si l'urine est bonne pour la santé. Le chant que vous venez d'entendre est celui du pipi. Bon, c'est juste pour l'anecdote tant qu'on parle de pipi caca d'oiseau. Hein. Car oui, il y a bien tout un genre de petits passereaux qui s'appelle pipi. P-I-P-I-T. Celui que vous venez d'entendre est le plus commun chez nous. Chez nous en France métropolitaine. C'est le pipi farlouze, aussi appelé pipi des prés. Vivant dans des milieux très ouverts et préférentiellement humides, le pipi est un peu l'alouette des champs qu'on rencontre partout dans nos campagnes, mais plus pour les marais et les prairies humides. Dans son comportement, on a l'impression qu'il est toujours pressé et qu'il a une forte envie de pipi, au point qu'il chante la plupart du temps en plein vol, genre « Attendez, je reviens, je vais aux toilettes, mais n'oubliez pas, hein, je suis toujours en coin. » Et oui, les oiseaux font souvent leurs besoins. Ils n'ont pas comme nous un réservoir à urine, une vessie. Sauf pour l'autruche ou le nandou, une autre espèce voisine de l'autruche. Pourquoi ces oiseaux-là ont une vessie et pas les autres? Parce que ces oiseaux ne volent pas, tiens. Car comme ils ne volent pas, le poids de l'urine en eux, ça ne les gêne pas. Non, en fait, hein, j'en sais rien, c'est juste une supposition, et ce qu'on lit ici et là, juste que c'est un fait. Du coup, l'autruche est le seul oiseau qui urine. Ce que vous entendez n'est pas l'urine de l'autruche, mais une fontaine pour l'illustrer. D'ailleurs, le pipi de l'oiseau, c'est transparent. Malgré tout, comme pour tout oiseau, tout passe par le même trou. Excréments, urine et même les œufs. Pourquoi faire compliqué avec plusieurs trous comme nous alors que ça marche très bien avec qu'un seul? Cet unique trou, c'est le fameux cloaque. Ainsi, à part pour l'exception de l'autruche qui sépare un peu les deux, sel et urine, comme si on séparait le jaune d'œuf du blanc, normalement, lorsqu'on regarde une fiente d'un oiseau, tout n'est pas séparé. C'est à la fois l'urine et l'excrément de l'oiseau, à la fois liquide et solide, à la fois blanc et vert-marron, voire noir. C'est bon, vous avez l'image d'une fiente d'oiseau en tête, une jolie fiente bien déposée, c'est comme un œuf sur plat, si vous voulez. Mais inversé, ce qui est liquide est autour. Le truc au milieu foncé et solide, ce sont les selles, les excréments, donc, logique. Et le truc blanc, liquide et un peu pâteux autour, en gros, c'est majoritairement l'urine de l'oiseau. Ça doit être blanc. Si c'est vert ou jaune, c'est comme nos propres glaires. C'est qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Je dis que c'est en gros l'urine, car si je comprends bien, c'est pas exactement de l'urine comme les mammifères. C'est bien un déchet de molécules composées d'azote, l'urée donc comme nous, mais avec davantage d'acide urique et très peu d'eau. De l'acide urique. De l'acide, donc. C'est plutôt corrosif, du coup. Pas au point de vous brûler la peau en quelques secondes, mais quand même. Par exemple, quand on tape « fiente » dans un moteur de recherche, la première chose qu'on retrouve, c'est... Attention, les fientes d'oiseaux abîment la carrosserie des voitures. Voici comment nettoyer votre carrosserie. Ouais. Vous aussi, vous avez déjà garé votre voiture sous un arbre pour la retrouver tachetée de fiente comme un dalmatien? Bon, bah, a priori, c'est la première préoccupation des personnes quand on tape le mot fiente dans un moteur de recherche. En fait, l'acide urique reste de l'acide et peut, a priori, marquer à jamais la carrosserie. D'autant plus que c'est pas facile à réellement nettoyer. Quand une fiente sèche, on peut enlever l'excrément foncé d'une petite pichenette, comme ça, ça part vite, quoi. Mais le liquide pâteux blanc, lui, est beaucoup plus difficile à enlever. D'autant plus qu'il est peu soluble dans l'eau. Donc ça veut dire que même la pluie retire difficilement le blanc de la fiente. Voilà, si vous ne le saviez pas, comme ça vous le savez, c'est cadeau. Comme une fiente sur une voiture. Ah, et pendant qu'on y est, une autre petite anecdote scientifique. Si vous voulez vraiment éviter que les oiseaux pissouillent sur votre voiture, ne prenez pas des voitures rouges. Non, sérieusement, hein. A priori, les voitures rouges ont plus de chances de recevoir des cadeaux de la part des oiseaux. Je n'ai pas lu en détail l'étude en question, mais ce sera peut-être pour la prochaine émission sur le thème de la couleur rouge. Ainsi, pour rebondir sur le quiz d'aujourd'hui qu'Eléa nous fera l'honneur de répondre, est-ce que l'urine, ou ici plus généralement la fiente d'oiseau, est bonne pour la santé? Bon, pas pour tout le monde. Pour nous, tout comme pour une voiture, c'est pas fifou. L'acide urique de la fiente est pour nous déjà un déchet, comme tout déchet azoté. En avoir beaucoup dans le sang est synonyme de mauvaise santé. Donc bon, évitez d'en avaler, même si vous êtes très aventurier. En revanche, tous ces déchets azotés, pour l'environnement et les plantes, c'est bien mieux. Bah oui, qui dit caca, dit fumier et engrais. Premièrement, naturellement, juste quand les oiseaux font leurs besoins en passant, les fientes d'oiseaux enrichissent tout un biome, tout un environnement, en nitrates, phosphates et potassium, de manière significative au point que d'autres plantes même peuvent s'épanouir par rapport à un autre biome similaire qu'aucun oiseau ne survole pour faire caca dessus. Et deuxièmement, artificiellement, ajouter des fientes d'oiseaux, tel un engrais, est bénéfique pour les plantes. On peut parler de lisier ou de fumier de volaille, de fumier de poule. Et c'est extrêmement efficace. Pour se rendre compte de son efficacité, j'ai essayé de comparer la teneur en azote, phosphate et potassium de ce fumier par rapport à d'autres comme le fumier de bovin, ce bon mélange de pousse de vache. J'ai pris trois petites sources francophones. Une belge, une canadienne et une française. Elles rentrent toutes dans un bar et la première dit « Je suis la plus sérieuse, j'ai carrément des fréquences d'analyse avec des courbes en cloche. » Bref, ça on s'en fout, hein, c'est juste pour la blague. Donc, en comparant les teneurs en certains éléments chimiques dans le fumier de plusieurs animaux de la ferme, grosso modo, pour une tonne de fumier, donc, celui de volaille, le fumier de volaille, contient au moins 5 fois plus d'azote que le fumier de bovin. Et au moins 4 fois plus de phosphate et 2 fois plus de potassium. Tout ça, ce qui font l'engrais, quoi, l'azote, phosphate, potassium. En bref, donc, le fumier de volaille semble surpasser tous les autres fumiers au même point comparé. Après, ce que je viens de dire est un peu à relativiser. Les effluents et déjections de bovins et autres mammifères détiennent beaucoup d'eau. Les animaux aussi sont également plus volumineux qu'une simple poule. Du coup, la litière dont compose le fumier est davantage présent. En gros, il y a donc une histoire de volume à prendre en compte là-dedans aussi. Une fiente, c'est bien plus facile à transporter aussi, par exemple. Ça, d'ailleurs, ça peut être un autre avantage. On peut aller chercher le fumier de fiente d'oiseau un peu partout dans le monde, tellement c'est facile à transporter. Et c'est pas un hasard que je vous en parle, car ça existe vraiment des petites usines naturelles de fientes d'oiseaux à l'autre bout du monde pour fournir nos magasins. Non, sérieusement, on appelle ça du guano. Du guano, G-U-A-N-O. Vous en avez déjà entendu parler? Sinon, si vous n'avez jamais entendu parler, le guano vient du péruvien, donc certainement de l'espagnol, voulant dire fiente d'oiseau de mer. Petit clin d'œil à Alexa aussi, on parle aussi de guano quand on nomme les déjections de chauves-souris. Et voire même parfois des fois de phoques. Le guano dont nous, qui nous intéresse, dont on va parler ici, provient des oiseaux de mer, pélicans, fous, cormorans. La liste des oiseaux marins nichant sur une petite île ou une falaise peut être grande. La plupart du temps, ce sont des oiseaux plongeurs, dont on a déjà parlé dans une précédente petite chronique des oiseaux. Ces oiseaux marins entassent leur fiente au même endroit. C'est même souvent là-dedans qu'ils font leur nid. Et si en plus la nourriture est abondante, c'est-à-dire beaucoup de poissons, et qu'il pleut très peu, donc très peu de précipitations, les couches de guano peuvent s'entasser sur plusieurs mètres. Genre, en 10 ans, la couche peut s'épaissir de 2 mètres. Les écrits des explorateurs européens découvrant les premières îles américaines raconteraient même des couches allant jusqu'à 50 mètres de guano. 50 mètres, c'est un immeuble d'une quinzaine d'étages, hein. De quoi la nager dans le bonheur, surtout pour celles et ceux qui recherchent un excellent engrais pour son agriculture. Le guano est jugé comme l'un des meilleurs engrais naturels au monde. Il y a même un oiseau marin qui est surnommé l'oiseau qui vaut des millions, ou l'oiseau milliardaire. C'est le cormoran de Bougainville. Ce cormoran est une usine à caca, si vous voulez, qui peut rapporter des millions. Voilà pourquoi on l'appelle comme ça, oui, grâce à son guano. Même son nom anglais, il y a guano dedans. On l'appelle Guanay Cormoran. Il fait la taille d'un cormoran, donc un peu moins d'un mètre, est tout noir, gorge et ventre blanc, et a le contour des yeux qui sont rouges. Il vit par groupes de centaines et centaines, souvent sur une petite île isolée. Alors, imaginez l'odeur déjà, mais aussi surtout que pour faire leur nid, ils utilisent aussi leur guano. Ce cormoran vit le long des côtes chiliennes et péruviennes, du Chili et Pérou donc. Les deux pays ont de l'or à leurs pieds grâce aux oiseaux marins. Durant tout le 19e siècle, le Pérou était une puissance économique et un pays stable grâce au guano. Rien que ça, rien que le guano. Comme quoi, marchander de la merde, ça peut rapporter. Entre 1820 et 1866, on appelle au Pérou cette période l'ère du guano. À l'époque, la demande de cet engrais était telle que même aux États-Unis, en 1856, était adoptée une curieuse loi qui autorisait, et qui autorise même encore aujourd'hui, n'importe qui à réclamer, au nom des États-Unis donc, toute île inhabitée avec du guano dessus. Pourquoi l'ère du guano s'est subitement arrêtée dans les années 1860 ? Parce qu'en fait, la ressource était tellement revendiquée que ça faisait apparaître des tensions mondiales. La guerre hispano-sud-américaine est même surnommée la guerre du guano. Oui, oui, des tensions et des guerres ont carrément éclaté à cause du guano. Topo l'écrivait sur son blog, hein. La guerre, c'est la merde. En fait, en 1863, l'Espagne s'empare des îles Chincha. Trois petites îles à une vingtaine de kilomètres des côtes péruviennes. Genre, au calme, l'armée espagnole arrive, et s'installe sur ces îles du Pérou. Soi-disant parce que le Pérou avait des dettes envers l'Espagne, la mère patrie en tant qu'ancienne colonie. Surtout qu'il me semble qu'à l'époque, le Pérou était déjà indépendant. Donc tous les voisins, péruviens, chiliens, équatoriens et boliviens, ont vu rouge que l'Espagne arrive et débarque comme ça. On leur volait leur caca doré. Il a fallu finalement 3 ans de conflit avant que les Espagnols se retirent. Et ce n'est qu'un conflit parmi d'autres, hein, peut-être le plus médiatisé d'ailleurs. En fait, mieux que les engrais, le guano servait aussi à la fabrication d'explosifs. D'où le fort intérêt pour la ressource. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton... Après, ensuite, les années passées, on a pu synthétiser industriellement engrais et explosifs. Donc le guano perdait de sa valeur, et tout le monde s'en foutait. Il y a eu donc tout un siècle à vide pour le commerce du guano. Ce n'est que tout récemment que le commerce reprend pas mal. D'après vous, sauriez-vous pourquoi ? Pourquoi le commerce du guano reprend ? En fait, mettez en opposition l'engrais synthétisé industriellement et l'engrais produit naturellement par les oiseaux marins. Eh bien, les consommateurs qui sont à la recherche du naturel et du bio, ils le font aussi pour l'engrais. Oui, même pour littéralement de la merde, on recherche du bio a priori. Du coup, les exportations péruviennes reprennent pour atterrir dans nos magasins. On peut retrouver par exemple 650 grammes de guano venant de là-bas pour 6,50€. Bref, l'agriculture biologique remet en marche le commerce du guano. Et c'est bio, certes. Mais bon, j'aimerais faire un point sur les conditions de travail pour récolter ce fameux guano. Mais c'est de la merde ! Car des fois, on dit que c'est bio, mais éthiquement, et les conditions de travail sont loin d'être très... très propres et vertes et éthiques. Comme souvent, les ressources de guano sont sur des petites îles isolées, les travailleurs sont amenés en bateau, donc. Et ils mangent et dorment sur place dans des conditions assez spartiates, avec de l'eau douce transportée par bateau aussi. Les travailleurs donc sont amenés en bateau, piochent à la main et puis ils y vont. 50 tonnes de guano chaque jour. Si le guano est le long de la falaise, hop, une petite corde, et puis on y va. S'il y a 2 mètres de couche, hop, on pioche, malgré la poussière que ça génère. Bon, le ministère de l'Agriculture a beau fournir des masques, mais inefficace car la poussière bouge carrément le masque. Et puis aussi, malgré l'horrible odeur d'ammoniac qui pestifère. D'ailleurs, l'ammoniac, l'acide urique, tout ça, ça ronge la chair. En plus des tiques qui pullulent sur l'île, qui grimpent sur vous depuis la terre. tout ça, ça donne pas trop envie d'y vivre, ni d'y travailler. Bref. Mais sinon, hormis ça, le guano, hein, c'est bio. Je vais faire caca chez Paul. Pour conclure cette petite chronique, l'urine, ou plus généralement ici les fientes d'oiseaux, c'est bon pour la santé. Pas pour notre propre santé humaine, hein, qu'on s'entende bien. Je partagerai quelques images des conditions des personnes qui travaillent les pieds dans le guano, c'est pas joli joli. Mais uniquement pour la santé des plantes, pour leur fournir les éléments nécessaires en abondance et qu'elles puissent s'épanouir et grandir plus vite. Et pour toi, Eléa, selon toi, l'urine humaine est-elle bonne pour la santé ? Je suis contente de pas encore avoir acheté de guano bio, du coup. Hein. Ça a pas l'air terrible comme... Ouais, c'est de la pub pour avoir des poules chez soi, moi je dis. Mais ouais. C'est génial les poules. Et donc la seule raison de réutiliser le guano actuellement, c'est l'agriculture biologique ? En ce moment, ouais. En gros, ouais. Waouh. Ok. Ça fertilise, bah, sympathique. Mais... la transition, bah, le quiz du moment, c'était boire son urine est bon pour la santé, info ou intox. Alors honnêtement, je vous cache pas que j'étais sceptique sur l'énoncé, cet énoncé en particulier, mais je suis quand même allée pourrir mon algorithme YouTube pour récolter des témoignages de personnes qui s'intéressent au concept ou qui pratiquent, juste pour me convaincre que ça existait. Alors évidemment, j'ai vu des émissions survivalistes avec Bear Grylls dedans qui vous expliquent comment survivre dans le désert en buvant votre urine, ou encore ces mecs qui s'entaillent dans la nature ou qui se font mordre par un animal et qui se précipitent pour faire pipi sur leur plaie pour la désinfecter. J'ai aussi vu des films de science-fiction comme Waterworld, dans lequel Kevin Costner distille son pipi, hein, où j'ai lu dans Dune que on pouvait faire dans les mondes de science-fiction des combinaisons qui filtraient les excréments pour survivre à la sécheresse dans un monde mortellement aride. Bref, boire son pipi, ça fait travailler l'imaginaire sur le plan de la survie. Mais figurez-vous que la boire à des fins médicinales, c'est une pratique réelle qui serait déjà attesté dans des manuscrits médicaux qui datent d'il y a 5000 ans. Ah, mais ça doit être vrai, alors. Ouais, voilà. Du coup, c'est ancien, donc ça doit être vrai. Et donc, on appelle cette pratique de nos jours urinothérapie, parce qu'on aime bien mettre des thérapies derrière tous les mots de la langue française. Et en Inde, il s'agirait même d'une tradition religieuse qui est apparemment nommée Amaroli. Les thérapies à l'urine, apparemment, il y a des recettes de remèdes qui sont citées dans le papyrus de d'Ebers, qui est un traité médical qui a 3500 ans et qui est parmi les plus connus de cette ancienneté. Et donc, il y a pas mal de remèdes à base d'urine d'animaux qui sont cités dans ces traités. Et j'ai appris avec stupéfaction pour cette chronique, en passant, parce que cette anecdote vous intéressera sûrement, mais qu'à Dongyang, dans l'est de la Chine, on prépare traditionnellement des œufs cuisinés dans de l'urine de jeunes garçons de moins de 10 ans, et que c'est censé renforcer votre santé et allumer votre feu intérieur pour vous maintenir en bonne santé. Voilà. Du coup, on peut légitimement se demander... Pas, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Non mais tout est possible, hein. Donc on peut légitimement se demander si c'est une pratique utile, hein. Pourquoi les gens feraient ça ? Pourquoi les gens consommeraient de l'urine ? Alors je suis allée voir pour vous beaucoup de TED Talks et d'autres articles qui expliquent en long, en large et en travers pourquoi on doit boire son pipi. Et la raison la plus fréquente qui est citée, c'est que comme on passe les 9 premiers mois de notre vie dans une poche de liquide amniotique qui est constituée à 75% d'urine, on se porte bien, du coup, on devrait continuer toute notre vie. Voilà, c'est l'argument principal. Attends, quand on est bébé, le liquide amniotique, c'est 90% de la pisse ? Ah ben, y a des déchets azotés. Est-ce que c'est réellement 100% du pipi ? Je ne sais pas comment on doit le qualifier. Mais le liquide amniotique, du coup, est rapproché du pipi dans ces conférences. Et donc, l'argument de base, c'est à peu près ça. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque, cette donnée, mais déjà, mentalement, moi, je repense à cette charmante expression de la langue française qu'on m'a souvent servie, genre... t'es fini à l'urine, dans la formulation polie, pour désigner quelqu'un de stupide. Sinon, on est tous dans une poche de pipi, l'expression est totalement caduque, hein, arrêtez de l'utiliser, c'est vraiment nul. Ensuite, ça a pas l'air d'être un argument super solide, vu qu'on trouve pas facilement d'études sur la santé d'enfants qui se seraient développés hors du liquide amniotique pour l'instant. Donc, on n'a pas vraiment de point de comparaison. On va laisser planer le doute sur cet argument. Voilà. Donc, bon, l'urine, bon ou pas bon, décortiquons un peu la composition de ce liquide doré supposément bénéfique. L'urine, c'est quoi? Alors, c'est un fluide biologique qui est sécrété par les vertébrés pour évacuer les déchets liquides qui transitent dans l'organisme. Alors, pour les déchets solides, on a les excréments. Comment ça se passe quand on remplit sa vessie d'urine concrètement? Alors là, on va faire un petit passage par la case anatomie, physiologie, tout ça. L'urine, c'est le résultat de la filtration du sang à travers les reins. Je vais pas vous le faire dans le détail, mais c'est un processus digne d'un procédé industriel super high-tech. Pour cela, le sang passe par l'artère rénale, qui est l'autoroute qui mène au rein. Et le rein, c'est un agrégat de petites unités filtrantes, qu'on appelle les néphrons, dans lequel il y a tout un circuit de filtration avec une partie très importante qu'on appelle le glomérule. Cette partie va d'abord faire une première filtration du sang pour générer ce qu'on appelle l'urine primitive. Et dans l'organisme, cette étape va filtrer du coup environ 180 litres de sang par jour, dont une grande partie va être réabsorbée, ce qui fait qu'en moyenne, on finit par produire entre 1,5 et 2 litres d'urine par jour. Je trouvais un chiffre de 1,8 litres d'urine par jour en moyenne, qui s'accumule dans la vessie et qu'on évacue grâce au phénomène de miction, qui est le mot joli pour faire pipi. Donc au moment où l'urine primitive du coup est réabsorbée, la réabsorption se fait grâce à plusieurs mécanismes et dépend en partie de deux hormones, la vasopressine et l'aldostérone, et ça va permettre de récupérer de l'eau et du sodium en fonction des besoins de l'organisme, ce qui permet de rester toujours à l'équilibre en cas de déshydratation. C'est quand même pas mal, merci les reins. Alors, on se retrouve donc à la fin de ce processus avec le liquide en or qui s'accumule dans notre vessie et qui, au final, est composé, grosso modo, hein, de 95% d'eau, jusque-là, tout va bien, de 2,5% d'urée, qui est globalement une molécule utilisée par l'organisme pour évacuer les déchets azotés. Alors là, juste 2,5%, ça paraît pas beaucoup, mais l'urée, attention, c'est quand même pas super sympathique à boire comme ça, et c'est une molécule qui est plutôt irritante. Elle est utilisée dans l'industrie pour plein d'usages, dont la confection d'engrais agricoles, comme disait Cléora tout à l'heure. C'est utilisé pour faire des engrais, hein, les excréments. C'est utilisé en additif parfois dans le diesel de voiture, en laboratoire comme agent dénaturant de protéines, et c'est même utilisé dans l'industrie en agent brunissant des bretzels industriels. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir comme info, parce que le bretzel, c'est important. Donc, consommé en grande quantité et pas dilué, l'urée, clairement, c'est un truc qui peut vous nuire. Voilà. Donc, comme ça, a priori, on se dit que boire son urine en grande quantité, ça a pas forcément toutes les vertus qu'on pourrait lui prêter. Alors, qu'est-ce qui reste dans les derniers pourcents? Les quelques derniers pourcents, il y a quelques enzymes, des minéraux et des ions qui étaient dans le corps en excédent et du coup, qui ont vraiment été filtrés, hein, ils n'ont pas été réabsorbés par le corps pour compenser. Et on peut trouver des traces de molécules parfois surprenantes, parce que le job de l'urine, en gros, c'est d'évacuer toutes les substances étrangères à l'organisme qui ne seraient pas absorbées, et un certain nombre de médicaments passent donc dans les urines. Alors ça donne lieu à quelques anecdotes historiques qui sont particulièrement croustillantes, et je vous en ai sorti quelques-unes pour cette chronique. Par exemple, prenons la pénicilline. Les médecins se sont rendus compte qu'entre 40 et 99% de la pénicilline que vous ingériez était excrétée dans l'urine. Du coup, en 1942, au moment où une grande pénurie de pénicilline frappait les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, les médecins se sont mis à cristalliser l'urine des patients pour pouvoir réextraire la molécule et essayer de compenser un peu. Voilà. Merci l'urine. Heureusement qu'ils étaient là. Mais c'était une idée ou ils l'ont vraiment fait, en fait? Ah, ils l'ont vraiment fait, oui. Ah, ils l'ont vraiment fait, ouais. Ah ouais. Donc j'ai trouvé un article qui parle de ça, hein. Je remettrai les liens dans les notes d'émission parce que on a décidé qu'on allait remettre les notes d'émission sur le blog. Vous êtes contents, hein. Donc on peut te refiler le médicament plusieurs fois, en fait. C'est ça. Bah à chaque c'est fois le même tu qu'hier, perds, monsieur. Voilà, à chaque fois tu perds une quantité, hein, quand même, puisque tu absorbes la pénicilline et tu la métabolises en partie, sinon elle aurait pas vraiment d'effet. Mais tu métabolises pas tout, et c'est le cas de la plupart des médicaments qu'on consomme d'ailleurs, hein, le corps en métabolise une partie, même quand on prend des compléments alimentaires ou ce genre de choses, on en absorbe une partie et le reste du coup est évacué via l'urine et les excréments. Alors du coup, à partir de cette urine, il est également possible d'extraire des hormones. Et je pense notamment à la FSH et la LH, qui sont les noms de deux hormones qui régulent l'ovulation et le cycle menstruel. Dans les années 60, il y a un étudiant en médecine qui s'appelle Bruno Lünnelfeld qui a décidé d'utiliser cette découverte pour proposer des traitements contre l'infertilité. Pour pallier au fait que les hormones sont présentes en très petite quantité dans l'urine, hein, ces hormones passent dans l'urine, il a fait apparemment appel à un groupe de 10 nonnes qui, tous les 10 jours, fournissaient assez d'urine pour le traitement hormonal d'une patiente. Et du coup, avec ce nouveau traitement contre l'infertilité, le premier bébé de gens pas fertiles naît en 1962 avec cette méthode. Alors, heureusement, comme les nonnes, c'est pas une ressource, enfin l'urine de nonne, c'est pas une ressource très fréquente quand même. En 1990, les scientifiques ont finalement réussi à produire ces hormones artificiellement en laboratoire, et du coup, on a pu réutiliser ces hormones autrement dans des traitements. On peut parler aussi des œstrogènes. Les œstrogènes, ce sont des hormones qui peuvent être extraites de l'urine de femmes enceintes également. Hein. Et pour la production de médicaments comme Prémarine, c'est des comprimés ou des crèmes qui contiennent des œstrogènes et qui sont utilisés pour traiter des troubles de la ménopause, eh bien on utilise toujours de l'urine de jument. Voilà, de jument enceinte, évidemment. Alors, hein. Et Léa, t'as pensé parler des tests de grossesse à l'ancienne ou pas? Non. Pas du tout. Alors, en fait, il y avait des tests de grossesse, j'avais utilisé ça quand j'avais fait un cours sur les hormones, où des femmes urinaient sur des lapines, je crois que ça se faisait encore dans les années 50, et même avant ça, sur des crapauds. Et en fait, ils injectaient de l'urine de femmes enceintes à des lapines pour voir si ça déclenchait l'ovulation, donc c'était un test de grossesse, et pour les crapauds, c'était mettre de l'urine de femmes sur un crapaud pour voir si ça déclenchait la ponte. Et c'était une façon de voir si en fait on avait des hormones de grossesse. Il me semble, je suis pas sûre, on a qu'à lui faire une petite pub pour la. Je crois que la boîte à curiosité, j'ai vu passer une vidéo sur YouTube. Je me demande si elle a pas fait une petite vidéo là-dessus justement récemment. Faudrait vérifier. J'ai juste vu passer le titre. Ouais, c'est possible. Mais voilà. Donc c'est des choses qui permettaient de regarder les hormones dans l'urine qui font écho à ce que tu disais. Et donc, c'est la preuve que l'urine contient toutes sortes de choses, comme des hormones. Et maintenant, vous savez qu'il y a encore des médicaments vendus actuellement qui sont fabriqués à base d'urine d'animaux, et notamment de juments. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, du coup, toutes ces molécules, ça peut poser des questions. Et dans le cas de certaines molécules qui passeraient du coup dans l'eau d'évacuation des toilettes, par exemple, est-ce que ça pourrait devenir nocif et conduire à une réingestion de composés à travers l'alimentation, par exemple? Je sais qu'il y a eu, j'ai trouvé une publi pendant cette recherche, et c'est le cas pour la carbamazépine. C'est une molécule anticonvulsive qui est utilisée dans le traitement des douleurs neuropathiques. Et en France, je crois que c'est commercialisé sous le nom de Tegretol pour l'épilepsie, pour le traitement de l'épilepsie. Et du coup, dans le cas de cette molécule-là, si on utilise de l'eau d'évacuation de toilettes de gens qui ont fait pipi cette molécule, la molécule passe dans l'eau, elle passe du coup dans les végétaux qui l'absorbent dans le sol, et on peut la réingérer en mangeant les légumes qui ont été arrosés avec cette molécule. Voilà. Est-ce que c'est nocif pour la santé? L'étude ne le dit pas, mais en tout cas, c'est possible et il faut y penser. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir des choses intéressantes ou pas inquiétantes. En tout cas, en 2014, il y a des chercheurs qui ont réussi à prélever des cellules souches embryonnaires dans de l'urine. Alors, ça représente environ 5 cellules souches par 100 ml d'urine en moyenne, ce qui est pas énorme. Mais par contre, c'est des cellules qui, mises en culture, peuvent se répliquer rapidement dans les bonnes conditions. Et du coup, elles pourraient aider à régénérer in vitro des parties endommagées du système urinaire. Et avec un peu de persévérance, peut-être qu'on saura un jour différencier d'autres types cellulaires pour régénérer d'autres organes à partir de l'urine. L'avantage, c'est que c'est gratuit et que ce n'est pas très invasif de prélever ces cellules, donc c'est plutôt intéressant. Alors, je reviens juste sur la pratique du début qui consiste à désinfecter les plaies à l'urine, parce que j'ai longtemps pensé que l'urine était stérile, parce qu'on dit souvent l'urine est stérile, et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser pour désinfecter des plaies. Et en fait, j'ai trouvé une étude de 2012 dans le journal de microbiologie clinique qui débunk cette idée-là, selon laquelle l'urine est stérile. En réalité, nos vessies sont peuplées de bactéries qui ne sont pas cultivables en laboratoire, et du coup, avec des tests classiques de croissance bactérienne, on peut pas détecter ces bactéries. Mais votre urine n'est donc pas stérile. Donc, se stériliser ses plaies à l'urine, ça peut être pratique si vous n'avez rien d'autre du tout, mais en réalité, rester au désinfectant classique ou juste nettoyer à l'eau et au savon, ça pourrait être un bien meilleur plan que s'étaler du pipi sur vos blessures. Juste, voilà, pour le pro-tip survie, si jamais vous êtes dans cette situation. Voilà. Donc j'ai cherché longtemps, et pour finir cette chronique, les quelques études cliniques existantes sur l'utilisation de l'urine en thérapie, ça concerne surtout des thérapies à l'urine de vache, et c'est des papis qui viennent surtout d'Inde. Les vaches sont sacrées là-bas, et l'urinothérapie, ça vient beaucoup de l'Inde. Donc beaucoup d'entreprises sont prêtes à faire le grand saut pour commercialiser des produits dérivés de l'urine pour tout usage, à boire, en application externe contre l'acné, en traitement de la lèpre, de l'épilepsie ou de l'anémie, et même en traitement des cancers. Mais les résultats ne sont pas très convaincants pour l'instant, et donc il n'y a pas d'études scientifiques solides et convaincantes qui viennent appuyer l'usage de l'urine pour toutes ces solutions. Alors par contre, c'est un effet de mode, et les livres d'urinothérapie et les urinothérapistes, ça existe bel et bien. Et ça n'a pas l'air de s'essouffler, en particulier dans des communautés de personnes dont le postulat de base est que tout ce qui sort de notre corps et qui est naturel ne peut que nous faire du bien. Voilà, donc si cette pratique vous intéresse, attention quand même, hein, parce qu'on ne boit pas son urine n'importe comment, selon les urinothérapistes. Les manuels précisent que apparemment on ne peut pas boire son urine n'importe comment, faudrait la boire précisément le milieu du premier jet d'urine de la journée, qui est meilleur que les autres jets d'urine du reste de la journée. Il faudrait ne pas prendre de médicaments. Et là, si vous avez suivi, c'est intelligent comme conseil, parce que on peut du coup consommer des molécules qui viennent de nos médicaments. Et double il dose de pénicilline. Voilà, double dose de pénicilline. Et il faudrait aussi suivre une diète assez stricte qui ne contiendrait aucune protéine animale. Et là, on comprend la raison, c'est que les protéines animales, c'est de l'azote, et l'évacuation de l'azote, du coup, c'est l'urée. Donc, techniquement, si vous mangez moins de protéines tout court, hein, parce que protéines animales et protéines végétales, ça reste en vrai des protéines. Si vous mangez moins de protéines, eh bien, vous avez techniquement moins d'urée, et donc moins de danger que cette urée vous porte préjudice. Donc, voilà, mode d'emploi assez strict, ça paraît tout de même contraignant pour quelque chose dont l'efficacité n'est pas formellement prouvée. Je dirais qu'on reste donc sur une intox qui, à minima, ne devrait pas vous intoxiquer. Après tout, chacun fait ce qu'il veut et il ne vous reste plus qu'à tester. C'est vrai que c'est gratuit. On vous demande juste un truc. N'oubliez pas de nous écrire pour nous dire quel goût ça a. C'est pour la science. Alors on attend vos expériences, hein, les auditeurs. On a envie d'avoir des retours. Oui, tout à fait. Alors du coup, c'est Aude, toujours, hein, la seule courageuse qui a eu le courage de nous envoyer une réponse pour ce quiz. Merci Aude d'avoir sauvé l'honneur de tous les auditeurs de Podcast Science, qui nous a envoyé une citation de Colette qui dit « La femme est capable de tous les exercices de l'homme, sauf de faire pipi debout contre un mur. » Et nous avions, nous femmes du Podcast Science, quelques objections envers cette phrase. Tout à fait, car Eléa et moi, artificielle pour faire pipi debout, notamment en rando, mais pourquoi pas aussi ailleurs, ça marche très bien. Moi, j'ai comme projet de l'utiliser dans les chiottes de la fac, étant donné qu'il y a que à mon étage il y a uniquement des WC hommes, ce que je trouve pas normal. Donc voilà, donc c'est un espèce voilà. de petit, le mien, peut-être le tien est différent, c'est donc une petite extension en un tube en plastique, et ça marche bien. Voilà, une petite gouttière qui permet de ne pas s'accroupir pour faire pipi, notamment dans des endroits particulièrement dégueulasses comme des festivals, des toilettes à l'autre bout du monde dans un pays où il n'y a pas beaucoup de chasse d'eau, par exemple. Ouais. Voilà, ce genre d'utilité, c'est vraiment bien. Ça s'appelle un pisse debout. Et bah c'est peut-être le moment de passer à la conclusion. Cette émission s'étire comme une fiente vers sa fin. Nous espérons qu'elle aura été, comme le guano, un bon moyen de fertiliser votre esprit au son des chants des oiseaux et des réflexions métaphysiques. N'oubliez pas de nous envoyer vos expériences quant au quiz que nous vous proposons. Rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, que servir la science soit votre joie.